Chapitre 7. La souricière fatale. Marcel Leguay ne s'arrêta que lorsqu'il eut dépassé la grille du parc. Il se retourna alors et aperçut son fidèle sauvage qui arrivait en courant. « Tout est perdu, même l'honneur, cria-t-il, même nos chapeaux, même nos valises. Oserions-nous rentrer au château tant que le terrible Darsac s'y trouve ? Ce diable de Gascon ne badine pas. L'as-tu vu ? C'est un homme capable de m'embrocher comme un poulet. Que faire ? » ?»« C'est bien simple, répliqua Sauvage. Nous avons nos portefeuilles sur nous. Tant qu'on a de l'argent, on ne doit pas se considérer comme perdu. Remets-toi de tes émotions et raisonnons. Nous allons gagner la ville la plus proche, nous acheter des chapeaux, des revolvers, et nous reviendrons tout simplement, la nuit, continuer nos recherches. Aucune porte ne résistera à nos petits instruments. Nous pénétrerons dans la place dès que nous le voudrons. Excellente idée, mettons-la en pratique sans tarder. » Les deux amis gagnèrent la ville voisine, achetèrent, comme ils l'avaient dit, des chapeaux et des armes, puis allèrent dîner. Rien ne guérit et ne réjouit comme un bon repas, rien ne guérit mieux le pessimisme que la vue d'un rosbif et d'une bouteille de Bourgogne. À la nuit tombante, nos deux amis reprirent la route de Beaulieu. « Il est un peu tôt pour entrer au château, remarqua Leguay. Qu'allons-nous faire en attendant minuit ?»« Faisons une excursion dans la forêt, proposa Sauvage. Visitons les ruines du vieux monastère que nous apercevions du perron de Beaulieu. » « C'est une idée !» Leguay et Sauvage se dirigèrent vers les ruines. Le vieux monastère abandonné avait un aspect des plus pittoresques. Ce n'était que pans de murs ébréchés, vastes ailes sans toit, cours où poussaient les mauvaises herbes, caves humides. Les deux amis s'étaient engagés dans les souterrains ténébreux et ne retrouvaient plus leur chemin. S'éclairant de sa lampe électrique de poche, Leguay cherchait une issue. La nuit était avancée. Un silence sépulcral régnait dans les ruines. Mais tout à coup, un bruit de pas frappa l'oreille des deux amis. « Enfin, dit Leguay, voici un être vivant qui pourra nous donner le moyen de sortir d'ici. » Les pas se rapprochaient. Les deux amis aperçurent enfin, au fond de la galerie, trois silhouettes humaines qui s'avançaient, vaguement éclairées par une lanterne sourde. « Morbleu, dit Leguay, c'est notre mystérieux moine noir, accompagné de la femme sans tête et d'un personnage revêtu lui aussi d'une cagoule. Que viennent faire ici ces fantômes ?» Les trois étranges personnages approchaient, sans voir Leguay et Sauvage, qui, ayant éteint leur lampe électrique, étaient cachés dans l'obscurité. « Dissimulons-nous derrière ce bloc de pierre, murmura Leguay à Sauvage. « Je ne serais pas fâché de savoir ce que ce moine mystérieux vient faire ici. » Les deux amis s'accroupirent derrière la pierre. Les moines passèrent, l'un tenant la lanterne sourde, l'autre traînant la femme sans tête. « Je comprends enfin, » murmura Leguay à l'oreille de son compagnon lorsqu'ils furent passés. « La fameuse femme sans tête, qui nous a si fortement étonnés, n'est qu'un mannequin habillé de blanc » et qui glisse sur des roulettes, tout simplement comme les chevaux de bois inventés pour amuser les enfants. Pourquoi cette mascarade, cette supercherie? Pour effrayer, sans doute, les grands enfants que nous sommes. C'est bête comme chou, mais ça frappe toujours l'imagination. Où vont nos deux moines? Il serait bon pour nous, je crois, de le savoir. Suivons-les. Avec une prudence de peau-rouge, Leguay et Sauvage épillèrent les mystérieux personnages. Ceux-ci s'engagèrent dans des galeries ténébreuses. Soudain, ils s'arrêtèrent dans une espèce de chapelle souterraine. Devant eux se dressait un Christ en croix encastré dans le mur et tout à fait semblable à celui de la salle des gardes du château. Un des moines souleva un bras du crucifié. Aussitôt, un pan de mur s'ouvrit, découvrant un passage secret. « Tout s'explique, chuchota Leguay. Les souterrains du château de Beaulieu ont deux issues, une dans la salle des gardes, une dans ce vieux monastère. C'était fréquent jadis. Mais chut! Les inconnus s'étaient engagés dans la voie secrète et le pan de mur se referma derrière eux. « Heureusement que nous connaissons le moyen de procéder, » dit le guet en soulevant à son tour le bras du Christ. De nouveau, le pan de mur s'ouvrit et les deux amis s'engagèrent dans la galerie secrète. Devant eux, ils aperçurent la lueur de la lanterne sourde des moines. Les mystérieux personnages continuèrent leur marche dans les ténèbres. Enfin, ils s'arrêtèrent devant la porte de fer dont les deux barreaux avaient été enlevés par le guet sauvage. Les deux cambrioleurs attendirent, dissimulés dans l'ombre. À ce moment, l'un des moines noirs parla à son compagnon. Le guet sauvage ne perdirent pas une parole. « Tu vas rester ici, » disait le moine. « Si un des intrus de l'autre nuit s'avisait de revenir, effraie-le en avançant vers eux avec notre femme sans tête. Si ce moyen d'intimidation ne suffisait pas, tire sur eux. »« Non, mon père, » répliqua l'autre moine, « je veux bien vous aider, mais je ne veux pas verser le sang humain. »« Enfant, enfant, voilà de vains scrupules. Songe que je connais enfin le secret des souterrains, l'endroit où se trouvent amassées des richesses considérables. Cette fortune sera à toi comme à moi, puisque tu es mon fils. Et tu hésiterais? Insensé! Je veux bien vous aider, mon père, mais je me refuse à commettre un crime. Mais c'est insensé ce que tu dis là. Oublies-tu qu'il y a 20 ans que je cherche le manuscrit qui va nous donner la fortune? Et maintenant que je suis parvenu à le ravir aux misérables hôtes du château, maintenant que je touche au port, j'échouerai. Tiens, prends ces revolvers. Non, je refuse. Eh bien, soit, nous n'avons pas de temps à perdre. Je ne te demande pas de tuer. Reste ici. Si quelqu'un vient, accours me prévenir. Je serai dans la 3e galerie à gauche. Y consens-tu? J'y consens, mon père. « Veille alors, j'espère être de retour avant l'arrivée des intrus. » Et le moine, reprenant la lanterne sourde qu'il avait déposée par terre, tourna les talons et revint sur ses pas. Le guet sauvage n'eurent que le temps de fuir à reculons. Le moine marchait rapidement. Il s'engagea enfin dans la 3e galerie de gauche. Les deux cambrioleurs le suivirent à une distance respectueuse. L'homme à la cagoule arriva dans un vaste caveau qu'il examina attentivement. Il s'arrêta devant une dalle de marbre encastrée dans le mur. Il déposa sa lanterne à terre et regarda autour de lui. N'ayant rien découvert de suspect, il se dévêtit de la cagoule qui l'enveloppait et apparut habillé d'une façon toute moderne et toute laïque. « Morbleu !» murmura le guet, « je le reconnais. » Sébastien Génis, l'ancien majordome du château de Beaulieu, le complice des barons de Gramat, le meurtrier du comte Georges, l'homme qui me disputa le petit pâtre de plâtre. Je comprends tout. C'est lui qui s'est introduit dans le château en notre absence et nous a volé le précieux parchemin et la traduction. Dame, il connaissait la place. Il y a vécu de nombreuses années. Il était là comme chez lui. Ah, mon colon! Tu veux me voler le trésor? Mais nous sommes là, et cette fois nous sommes armés. Attention, mon ami sauvage, le moment d'agir est proche. » Le faux moine avait tiré de sa poche un marteau et un ciseau et descellé la dalle de marbre encastrée dans le mur. Il y travailla pendant une demi-heure. Enfin, la dalle céda sous son effort et un nouveau couloir, à peine assez large pour livrer passage à un homme, apparut. Bastien Génie s'y engagea, tenant en main sa lanterne. Le guet sauvage le suivirent silencieusement. L'ex-majordome avançait rapidement. On devinait la hâte fiévreuse qui l'agitait. Enfin, il atteignit l'extrémité du couloir, au fond duquel apparaissait un nouveau caveau. Mais soudain, un bruit formidable se fit entendre, éveillant les échos souterrains. Au même instant, un énorme bloc de pierre s'abattit sur le faux moine, l'écrasant, le broyant sous sa masse puissante. Le guet et sauvage reculèrent en frémissant. Ils ne savaient que faire. Ils n'osaient avancer ni reculer. Enfin, le guet recouvra son sang-froid. Il pressa le bouton de la lampe électrique et examina les lieux. Le couloir était à demi obstrué par l'énorme bloc de pierre sous lequel gisait le cadavre de Bastien Génisse. Celui-ci avait été tué sur le coup. Son sang coulait à flots, glissant entre les fissures de granit. « Avançons prudemment, » dit le guet. Ils arrivèrent près du cadavre et ils constatèrent alors que Génisse avait été pris comme dans une souricière. Il avait mis le pied sur une trappe qui, sous cette poussée, avait déclenché un formidable ressort et la pierre fatale, suspendue comme une épée de Damoclès, s'était abattue sur l'audacieux ravisseur du trésor. « Que faire ?» demanda Sauvage. « Là derrière, il y a une fortune qui vaut que nous risquions notre vie. Soyons prudents cependant. Au surplus, je ne crois pas que le caveau contienne une seconde trappe. C'est un heureux hasard qui a mis Génisse devant nous pour nous ouvrir le passage. Voilà ce que c'est d'être trop pressé. C'est égal, nous l'avons échappé belle. » Avec circonspection, les deux amis escaladèrent la pierre mortelle et pénétrèrent dans le caveau. « Nous voici, » dit le guet. Mais le gentilhomme cambrioleur poussa aussitôt un soupir à fendre le granit. Le caveau était vide, pas de trace de trésor. Les deux amis firent sonner les murs et s'assurèrent qu'ils ne contenaient aucune ouverture, aucune cachette. Tout ce qu'ils découvrirent fut une inscription gravée dans la pierre. Cette inscription était la répétition des paroles énigmatiques que le guet et sauvage avaient lues dans la chapelle du château. « Lorsque de Saint-Michel la lance tombera, justice se fera. » « Je crois que c'est une vengeance posthume du comte assassiné, » dit le guet. « Quant au trésor, puisqu'il n'est pas ici, c'est que, vraisemblablement, il aura été enlevé et caché autre part. Qu'allons-nous faire ? Que faire ? Mais partir tout simplement. Nous sommes frustrés. C'est égal, nous avons assisté à un terrible spectacle. Hum, je m'en serais bien passé. C'est un spectacle qui me coûte 62 000 francs. Il te reste le pâtre. » Les deux amis s'en allèrent la tête basse. Ils passèrent toute la nuit dans les souterrains afin de trouver une issue qui leur permit de revoir la clarté de l'aurore. « Je me sens revivre, » dit le guet à son ami. « Cet air des souterrains ne me vaut rien. M'est avis que ce que nous avons de mieux à faire, c'est de considérer cette affaire comme ratée et de retourner à Paris. J'ai en vue quelques petits cambriolages qui me dédommageront de l'échec que je viens de subir. Bah, ce sont les aléas du métier. » 2 heures après, le guet sauvage prenait le train. C'est tout ce qu'ils étaient parvenus à prendre à Beaulieu.